Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups. Bonsoir les Vosges, bonsoir l'Alsace ou bonjour si vous nous écoutez le lendemain matin en rediffusion ou même salut si vous nous écoutez à quel moment, n'importe quel moment de la journée en podcast. C'est un plaisir de vous parler ce soir et pour l'édition de ce soir, j'ai pas spécialement d'invité à proprement parler pour vous faire découvrir une structure, un événement ou quoi que ce soit. Non, je l'avais annoncé rapidement sur Facebook pour ceux qui ont suivi sur notre page Facebook Radio Gamozo. C'est un petit air de vacances, en tout cas en ce qui me concerne, un petit air de mes vacances que je vous emmène, mais c'est peut-être pas le cas de mes invités de ce soir. On vous emmène nos coups de cœur récents, culturels. Hein. Le hasard a bien fait les choses, c'est plutôt littéraire. Donc on va beaucoup vous parler de livres qu'on a dévorés cet été. J'ai avec moi Mika et Cassandra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Alors bon, Mika, je pense que j'ai pas besoin de te présenter. Ah bah tiens, il y a Licinio qui s'amuse à danser devant la porte. Coucou Licinio. Ça c'est les joies du direct quand on a quelqu'un qui... Non, Licinio. Oh, tu veux nous faire un striptease à l'antenne? Tu parlais d'un air d'été, moi j'aurais dit, parce que c'est le nom d'un film, un air de famille également, puisqu'on se retrouve avec plusieurs membres de Radio Gamozo. Et oui, en effet, on est plusieurs, on est nombreux dans les studios. Et si quelqu'un a envie de partager un petit peu cet air familial, cet air, comment dire, convivial, n'hésitez pas à passer nous voir. On est 8 places de l'Hôtel de Ville, il n'y a aucun problème, vous pouvez toujours assister aux émissions. Alors je reprends le cours de mon émission. Oui, Licinio, salut Licinio, tu peux repartir si tu veux. Donc je disais, on est avec là pour présenter nos coups de cœur littéraires. Mais après tout, tout le monde connaît Mika, mais tout le monde ne connaît pas Cassandra. Après tout, tu es nouvelle venue. Bienvenue à Radio Gamozo. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu qui tu es? D'accord. Bon, bah, je m'appelle Cassandra. Je vais avoir 18 ans. Je fais un service civique pour l'émancipation des jeunes. Et je suis là pour une durée de 8 mois. Eh bien, on a hâte de voir le travail que tu vas faire. D'ailleurs, on a déjà le coucou d'une auditrice. Hein, donc, en effet, l'Alsace nous écoute. C'est Zolveig qui vous passe le bonjour. Et en effet, elle sait très très bien de quel bouquin je vais parler. Parce que j'ai une liste un peu longue comme le bras. J'ai profité de l'été pour dévorer tout ce que j'ai pas eu le temps de dévorer. Mais on est tous là, comme je le disais, pour parler de nos différents bouquins. Alors, que les auditeurs sachent hein, qu'on est un petit sommaire. Quels sont les différents livres que vous avez amené pour parler? On va peut-être laisser Cassandra s'exprimer. Alors, j'ai amené un livre de Marie R. Qui s'intitule « Ils ont volé mon enfance » et un deuxième livre de Charlotte Goldberg qui s'appelle « La guêpe ». Et toi, Mika? Un gros coup de cœur pour un écrivain du CRU de la Bresse. Hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle Jean-Paul Didier Laurent et a fait paraître en début d'année son troisième roman intitulé « La fissure ». D'ailleurs, il est passé récemment à la Bresse pour le 20h04 de l'idée sans détour. Oui, je me souviens plus il était venu aussi dans ce studio. Je l'avais reçu dans l'émission Hors Format avec un autre auteur, Florent Kiffer. Ah, oui, Hors Format assez récemment en plus, si je ne m'abuse. Non, c'était quand même au mois de mars, il me semble. Ah oui, c'est vrai que c'est vieux le mois de mars. Hein. Et en ce qui me concerne, moi j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins, voire même peut-être 7, parce que j'en ai commencé ce matin. Non, 8, j'en ai 8. J'ai 8 bouquins sur moi. Donc j'ai du Amélie Nothomb, hein, j'ai Barbe Bleue, Antéchristalgienne d'un assassin, parce que c'est une découverte de l'été pour moi. C'est un vrai coup de cœur, Amélie Nothomb, je vais y arriver. J'ai lu aussi le célèbre Tristan et Iseult, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga médiévale à la Roméo et Juliette. En gros, j'ai l'ami retrouvé de Fred Ullmann, hein, une amitié un petit peu impossible sous fond de montée du nazisme en Allemagne. La symphonie pastorale d'André Gide, qu'est-ce que j'ai emmené d'autre? Bon, j'ai continué Le Monde de Sophie que je n'ai pas encore terminé. J'ai Vol de nuit de Saint-Exupéry que j'ai commencé ce matin, mais bon, je n'en sais peut-être pas assez pour vous en dire plus. Et puis j'ai aussi des extraits de textes de Franz Kafka. Donc voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup de lectures, je ne vais pas parler de tous mes bouquins. Mais si jamais j'ai amené de la matière, je pense que mes invités peuvent se rendre compte de l'ampleur du tas que j'en ai encore. Je n'ai pas tout emmené. Alors est-ce qu'on est prêts? C'est parti. On est prêt. Alors, bon, je vais peut-être vous demander votre avis parce que les auditeurs répondront pas assez vite. Quoique, s'il y en a une qui m'a un petit peu fait comprendre qu'elle aimerait bien que je parle d'Amélie Nothomb. Alors, ça vous dirait que je parle un petit peu de mon coup de cœur estival? Oui, pas de souci. Alors, par où commencer? Bon, j'en ai que deux avec moi parce que j'ai prêté le troisième. Je sais même plus pourquoi, j'ai commencé à me poser la question avant de partir en vacances sur les auditeurs qui me connaissent un petit peu. Ça fait 2 ans, j'avais commencé une émission qui s'appelle Les Trésors du Professeur Loup, où je parlais de littérature et plus précisément de contes. Hein. C'était une émission d'une heure où je me consacrais vraiment à un conte. Donc, j'ai fait La Belle au Bois dormant, j'ai fait La Belle et La Bête, enfin j'en ai fait plein sur les différentes versions et bien entendu la symbolique. Et pour je ne sais quelle raison X, Y, ah si je me souviens, avec les sapins barbus parce que j'étais pas barbu et que j'avais les cheveux bleus, d'ailleurs ils sont encore presque bleus, et je me suis un petit peu octroyé le surnom de Barbe Bleue, je me suis demandé mais au fond qu'est-ce qui veut dire ce conte de Barbe Bleue? Bon, c'est pas pour autant que j'ai trouvé la réponse, mais quand je suis allée me promener chez ma sœur, j'ai vu qu'elle avait le bouquin Barbe Bleue d'Amélie Nothomb. Je me suis dit, ah bah dis donc, le hasard fait bien les choses. Et je me suis dit que j'allais le lire. Alors Amélie Nothomb, c'est une auteure dont j'avais entendu parler, mais bon, en ce qui me concerne, moi, tout ce qui est mainstream, j'évite parce que... Voilà, ensuite, vous connaissez, du moins Mika sait très bien ce qui se passe quand je me penche sur un truc mainstream qui vaut le coup. Hashtag Game of Thrones. Ça devient un coup de cœur et Amélie Nothomb, c'est devenu un coup de cœur. Je me suis vraiment éclatée sur Barbe Bleue. L'histoire, ben, c'est une jeune femme qui cherche à tout prix une coloc sur Paris dans ses moyens. Et il y a un homme très riche qui cherche à avoir une colocataire. En 20 ans, il a 8 colocataires différentes. D'ailleurs, toutes ses colocataires ont disparu. Mais il n'est pas du tout fait mention de Barbe Bleue dans l'histoire. Mais en fait, on se rend compte que ce personnage, alors le loyer est tout à fait abordable, c'est un vrai gentleman espagnol. Par contre, il n'est pas britannique et il donne accès à toutes les pièces de la maison sauf une. C'est pour ça que ça fait penser à Barbe Bleue, mais bon, c'est un petit peu c'est assez rocambolesque, c'est assez rigolo le lien qui se tisse entre les deux. Elle qui veut surtout pas en tomber amoureuse et lui qui en tombe amoureux dès le premier jour. Et je peux pas vous en dire plus, mais sur ses 8 filles et même 9 avec la dernière Saturnine, je crois il y a un lien important que j'ai pas encore compris sur les couleurs. Je crois les 9 femmes et les 9 couleurs, j'ai pas encore tout compris, mais j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit, si j'ai aimé celui-là, je vais peut-être en aimer d'autres. Donc j'en ai acheté 2 autres pendant mon été. J'ai lu Antéchrista et Hygiène d'un assassin. Hygiène d'un assassin que j'ai lu pendant le trajet en rentrant. Ça a fait ma journée. Et Antéchrista. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que je vois l'heure qui file. Mais Antéchrista, en fait, c'est une histoire de manipulation. En fait, une fille qui est absolument rayonnante, qui devient amie avec une fille tout à fait lambda. Et cette fille lambda, en fait, elle se rend compte qu'elle est de plus en plus vampirisée par cette autre fille qui s'appelle Christa, mais elle l'a surnommée Antéchrista. Et l'autre, Hygiène d'un assassin, c'est plutôt... Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, un roman qui est fait presque que sur des dialogues, ça pourrait presque être une pièce de théâtre, mais bon, c'est vrai que là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, sur un auteur vraiment misanthrope qui n'a rencontré personne et 2 mois avant de mourir, parce qu'il a un cancer des cartilages, il permet à des journalistes de venir le rencontrer et il est vraiment odieux avec tous, et encore pire avec la dernière parce que c'est un très très gros misogyne et elle lui fout la pâtée. Et c'est un bouquin sur lequel je me suis éclatée, franchement. Et s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, alors déjà c'est facile à lire, c'est prenant, mais mine de rien on s'en rend pas compte. Alors déjà il y a beaucoup de choses très symboliques dans ces histoires, bah, comme le lien entre les femmes et les couleurs. Il y a un thème vraiment chromatique très très important, je suis en train de creuser, il y a encore mes petits rouages qui sont en train de grincer. Mais je vois qu'elle a aussi très très bien compris les mécanismes des personnes qui sont plutôt à part, perverses, manipulatrices. Enfin, ça, c'est très très bien joué et j'ai beaucoup aimé. Et bah, franchement, dès que je pourrais et que je trouverai un petit peu de place dans ma bibliothèque, j'en rachèterai d'autres. Donc voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur de l'été, Amélie Nothomb. J'ai vraiment hâte de lire les autres. Est-ce que vous en avez déjà lu ou vous l'avez même rencontré? Toi, je sais que tu l'as rencontré, Mika. Oui, quand j'étais allé il y a 2 ans, c'était au Livre sur la Place à Nancy, hein, ce salon littéraire qui aurait d'ailleurs lieu dans 2 semaines et demie, hein, à partir du vendredi 7 septembre, place de la Carrière. Et puis, j'avais lu un livre, alors je ne sais même plus le titre, ça parlait, c'était au moment de l'émergence des émissions de télé-réalité, et ça parlait de ce thème-là. Et... En tout cas, Hygiène d'un assassin, je me demande si c'est pas son premier. T'as regardé, toi ? Si, c'est son premier. Oui. Et elle, la particularité, hein, c'est qu'elle est très prolifique. Elle en sort un par an. Bon, comme tu nous le montrais, vous ne pouvez pas le voir, vous qui écoutez, mais peut-être que vous regarderez sur Internet, où vous avez déjà lu du Amélie Nothomb. Ça se lit vite et bien parce que ils sont peu épais. Hein. Oui, d'ailleurs, pour info, Barbe Bleue, je l'ai commencé un après-midi à la plage, je l'ai fini le soir même. Bon, je crois que j'avais un petit coup de soleil, hein, mais à moins de 24 heures, il était fini. D'ailleurs, même presque tous les bouquins que j'ai emmenés. Bon, mis à part Kafka, parce qu'il est un petit peu difficile à lire et lui, ça fait longtemps que je suis dessus et j'en lis une fois de temps en temps. Mais tous sont lisibles en moins de 24 heures. Oui, Tristan Isu aussi, techniquement, André Gide aussi, donc tous ces livres-là, sauf Le Monde de Sophie, bien sûr. Mais ils sont rapides et faciles à lire, et je trouve que c'est des récits qui vous happent complètement, en tout cas, en ce qui concerne les 3 romans d'Amélie Nothomb que j'ai lus, c'est un coup de cœur. Tu en as déjà lu, toi, Cassandra ? Non, je pense pas. Ah, je vais peut-être t'en prêter un ou deux. Bah, pas de souci. Est-ce qu'il faut dire sur Amélie Nothomb, et c'est valable aussi pour d'autres auteurs, notamment quand je parlerai tout à l'heure de La Fissure de Jean-Paul Didier Laurent, moi, ce que j'aime, c'est quand un auteur ou une auteure a une personnalité et qu'on peut retrouver aussi dans le livre. Et c'est vrai qu'elle, elle est un peu gothique, en quelque sorte, hein, Amélie Nothomb. Elle a une forte personnalité, elle a un look, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre en interview, mais c'est vrai que c'est savoureux. Et encore une fois, je trouve que la personnalité qu'elle dégage se reflète dans ses livres. Ouais, donc tu le disais, une personnalité à part et plutôt, je cherche le mot, mais je le connais, marginal, voilà, marginal. Elle n'écrit pas pour autant des personnages. Si, dans Antéchrista, le personnage principal est de base marginal, mais elle fait aussi de ses différences des forces, en fait. C'est assez surprenant. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans Barbe Bleue, c'est qu'on se met aussi un peu à la place du... Barbe Bleue, dans cette histoire, c'est un méchant, mais c'est pas tant un méchant que ça. Je peux pas en dire trop, c'est tellement énervant. Mais... Parce que j'ai envie que les autres le lisent, en fait. J'ai pas envie de gâcher le plaisir de lecture. Ben oui, c'est ça, c'est toujours la difficulté, hein, quand on parle d'un livre, ne pas trop en dire, juste donner l'envie. Et ce que j'avais trouvé aussi incroyable avec Amélie Nothomb, j'avais vu ça plusieurs fois dans des reportages, c'est qu'elle connaît le prénom de tous ses fans. C'est assez surprenant quand elle reçoit du monde lors des salons littéraires, quand les gens viennent faire dédicacer son dernier ouvrage. Elle les appelle tous par leur prénom, elle leur demande des nouvelles, genre de leur chat. Elle a une mémoire assez incroyable de ceux qui la suivent. Oui, tu me l'avais dit. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai retrouvé du moins quelqu'un qui peut résumer avec des mots ce que j'arrive pas à dire. Mohamed Aissaoui du Figaro, dans la sur la quatrième de couverture du livre que j'ai en main. Il disait « Charles Perrault n'a rien compris à Barbe Bleue, ce n'est pas un personnage complètement abject. Il a droit de protéger son jardin secret, c'est le moral du 21e roman d'Amélie Nothon. » Donc voilà, après tout, Barbe Bleue a le droit d'avoir ses secrets aussi. On voit un petit peu un miroir, l'autre côté du miroir. Donc en fait, voilà, elle sait manier des personnes, mais on sait aussi un petit peu se mettre à leur place. Enfin, c'est un vrai coup de cœur. Je peux en parler toute seule pendant une heure, je pense que vous avez bien vu. Mais il va peut-être falloir qu'on se repose un petit peu, qu'on repose nos oreilles. On va peut-être se mettre une première pause musicale. On va y aller crescendo, un petit peu comme dans le billet de sortie, avec un morceau plus soft pour le début d'émission et un petit peu moins soft pour la fin d'émission. Le premier morceau qu'on va passer, c'est Nevermind de Dennis Lloyd que Cassandra nous a choisi. Donc on s'écoute ça. Tu pourras peut-être nous parler du choix de la musique si tu veux. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. I ain't gonna fall back down, no. All right, I'm taking on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take it with me, but if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. I ain't gonna stop right now, no. Alright, I take it on me, ooh, baby. Alright, I never ask, you wanna see my fire. Tonight, take it with me, ooh, baby. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ce sera toujours avec plaisir qu'on partagera avec vous alors où vos petites dédicaces, vos petits coucous ou même vos coups de cœur si vous avez des découvertes musicales, culturelles. Je pensais à quoi, au cinéma aussi, à la littérature, parce que la littérature c'est le thème de ce soir. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, hein. L'antenne est ouverte à tous. Donc je vous ai présenté en partie Amélie Nothon, mais je vais peut-être partager la parole. En fait, je me rends compte, j'aurais pu faire l'émission toute seule avec tout ce que j'ai bouquiné, mais après tout, ce serait quand même pas aussi intéressant si j'étais toute seule. J'ai encore Mika et Cassandra avec moi pour partager en fait nos différents coups de cœur, nos différentes découvertes. Mika, tu as un bouquin, Cassandra, tu en as deux. On va peut-être te laisser en présenter un, et puis on verra ensuite comment l'émission se passera. Bon, bah, je vais commencer par mon coup de cœur que j'ai eu en cinquième. J'ai rencontré Charlotte Goldberg avec ma prof de français. Ouais. Et elle a écrit le récit La Guêpe, qui est paru en 2009. Donc c'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui subit la Gestapo juive. Et du coup, il faut qu'elle s'enfuit, quoi. Donc je vais commencer par lire le derrière du livre. Mes 6 ans arrivèrent en septembre. Mes sœurs et mon frère avaient dû porter l'étoile jaune dès l'ordonnance du 29 mai 1942. Mes parents, français, étaient respectueux des lois. Mes sœurs avaient des blazers bleu marine qui la rendaient plus apparente. Les enfants de moins de 6 ans étaient dispensés de la porter. J'avais grandi, je voulus être comme les autres et je réclamais mon étoile. Mon père m'en cousit une sur un petit boléro marron qui la faisait encore mieux ressortir. Donc c'est un récit d'une enfance juive à Nancy, traversée par de multiples déchirements, donc la Gestapo, les trahisons et l'innocence à jamais orpheline. Donc Charlotte Goldberg est née dans une famille juive le 3 septembre 1936 à Nancy. Sa famille est née en Pologne, de culture yiddish. Donc Charlotte a dû échapper à la Shoah. Et elle fut cachée par une famille aisée nancéenne, donc qui étaient ses voisins. Donc ses parents, ses sœurs et ses frères ont été internés à Drancy, et ont été déportés et exterminés. Et pour finir, Charlotte fut une militante acharnée dans la défense des faibles, des minorités, et luttant sans cesse contre le racisme. Mais malheureusement, Charlotte est décédée mercredi 18 juin en 2015. Voilà, ça c'est pour ton coup de cœur de cinquième, tu as dit. Oui. Qu'est-ce qui a fait en fait que ce livre devienne un coup de cœur ? Bah, quand je l'ai rencontrée, que j'ai discuté avec elle et tout, je pense que ça m'a un peu touchée et j'ai voulu lire son histoire qui est assez mouvementée et malheureuse, quoi. Ouais. Et c'est ça qui a fait. Donc tu as dit, tu l'as rencontrée où et quand ? Alors j'ai rencontré quand j'étais au collège Louis Armand à Golbey en 2012. Et je l'ai rencontré, on a tous discuté, etc. Et par la suite, j'ai acheté son livre. Et tu l'as dévoré. Tu m'as dit que tu l'avais aussi, tu l'as étudié en français ? Ouais, je l'avais étudié en français par la suite. C'est pour ça, votre prof, elle l'avait fait venir pour vous parler de cette période. Et puis ensuite, lire le livre. Oui. Les deux étaient complémentaires, la rencontre, l'échange avec elle et la lecture du livre. Ouais, mais moi, ça m'a beaucoup touché, son histoire. Ah oui, je veux bien l'entendre, je veux bien comprendre. Ah hein, oui. Ce qui, comment dire, les récits historiques, surtout les périodes sombres vues dans les yeux d'un enfant, c'est quelque chose, j'imagine. Et surtout pour elle, quand elle parle, elle disait sans cesse « Je suis Charlotte, à jamais 6 ans ». Et pour elle, sa vie, entre guillemets, s'est arrêtée à l'âge de 6 ans, quoi. Au moment où la guerre a éclaté. Voilà, au moment où elle a commencé à porter son étoile et au moment où toute sa famille a été exportée à Drancy. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, aucun autre membre de sa famille n'a survécu. Non, elle est toute seule. Enfin, était. Oui, elle était en effet... Peut-être que de là où elle est, elle nous écoute. En tout cas, c'est un roman qu'elle a publié quand ? Alors, en 2009, moi je l'ai lu en 2012, et je sais qu'elle en a fait paraître beaucoup d'autres, je dirais 6 à peu près, et qu'elle s'est énormément battue au cours de sa vie pour venir en aide aussi aux derniers survivants de ce drame. Ouais. Ces autres livres étaient sur ce thème ? Alors, je sais pas, je me suis pas vraiment intéressée à ces autres livres. Mais bon, au moins, tu en as un et tu as un souvenir quand même très important vu que tu as rencontré. Ouais, je pense que c'est surtout la rencontre qui a fait que je me sois beaucoup intéressée aux livres et que j'ai été touchée. Parce que peut-être que... Enfin, oui, tu m'as dit, c'est après la rencontre que tu as acheté le livre. Oui. Donc oui, en effet, qu'elle... comment dire, elle a peut-être donné une autre dimension au bouquin. Tu en avais déjà entendu parler avant du bouquin ou pas spécialement ? Non, j'en avais pas entendu parler. Et puis, je ne m'intéressais pas forcément à ce qui s'était passé avant, ouais. Vu que j'étais assez jeune. Oui, bah après, tu étais en cinquième à cette époque-là. Tu devais avoir 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Plus en sixième. Oui, en sixième. Oui, je devais avoir 11-12 ans. Bah, à cette époque-là, on sort encore de l'enfance. Ça, c'est, donc, on ne voit pas toute la misère humaine. Non, non, pas forcément. C'est, c'est pas quelque chose de catastrophique. On a tous eu 12 ans. Je pense que Mika, toi aussi, tu le sais, il y a tous une époque où on ne s'occupait pas trop du monde qui nous entourait. C'est normal, on passe tous par là. Donc, oui, c'est l'innocence. Et en effet, je pense que c'est peut-être ça qui t'a touché aussi, qu'elle, son innocence, elle a été brisée, elle a été obligée de grandir trop tôt. Et puis, on en revient à l'importance de l'échange et en l'occurrence, du témoignage. Puisque cette prise de conscience, tu l'as eue quand tu as échangé avec Charlotte. Certainement que si tu avais juste lu le livre, ça n'aurait pas eu le même effet. Et je pense que je n'aurais peut-être pas lu le livre et que je ne m'y serais pas autant donné à cœur, quoi. C'était vraiment une personne qui m'a marqué, quoi. Ouais, je veux bien croire. Je veux bien croire. C'est, en tout cas, on le sent à travers ce que tu dis que c'est touchant pour toi. Et c'est bien de partager ces moments-là. Et on va partager une autre lecture maintenant. On va passer à mon deuxième chroniqueur, parce que c'est vrai que je ne peux pas me compter comme chroniqueuse. Mika, qu'est-ce que tu nous as ramené ? La fissure de Jean-Paul Didier Laurent, mais avant de vous parler de ce livre précisément, moi ce qui m'intéresse, ben déjà c'est l'auteur, c'est un super mec, hein, il était déjà venu plusieurs fois ici dans ce studio, et notamment au tout début de l'écriture, puisque lui est un nouvelliste, il a commencé par écrire les nouvelles, mais avant ça, il avait la vie, j'ai envie de dire, d'un homme ordinaire, il n'était pas écrivain, ou en tout cas écrivait pour lui, il était tout d'abord travaillé au renseignement téléphonique. Alors les filles, je ne sais pas si vous avez connu, hein, maintenant on trouve des numéros de téléphone facilement, notamment sur internet. À l'époque, il fallait téléphoner, je crois que c'était le 12, et on demandait, on donnait nom et prénom, et l'interlocuteur cherchait sur un ordinateur le numéro de téléphone. Bah, un équivalent du 118-218 ou 118-30. Oui, ça ne doit plus exister, ça, si. Oh, j'en ai aucune idée. Bah maintenant, il y a Internet. Ben hein, voilà, c'est ça. Je pense que ça a sonné le glas de ce métier que Jean-Paul exerçait. Ensuite, il a travaillé au service client d'un gros opérateur téléphonique. Et en parallèle, il devait écrire. Et puis, un jour, c'était il y a 21 ans, pour être précis, en 97, il a voulu participer à un concours de nouvelles, puisqu'il en écrivait. Et c'est d'ailleurs un concours qui est très connu dans les Vosges, hein, puisque c'est le prix Henri Thomas qui est décerné et qui a été créé par la commune de Saint-Dié. Et donc, ça a été son premier grand prix. Et assez régulièrement, il a participé à d'autres concours de nouvelles et remportait les prix. Quasiment à chaque fois. Et le déclic, c'était un prix qui est très important, notamment dans le sud de la France, mais au-delà, hein, puisque c'est international. Ça s'appelle le prix Hemingway. Ça décerne la meilleure nouvelle concernant l'univers de la tauromachie. Alors, c'est au sens large, il faut que la nouvelle prenne cet élément en compte, mais ça peut être vraiment de différentes manières. Et Jean-Paul a participé deux fois. En 2010, il l'avait remporté avec sa nouvelle Brume. Et en 2012, ça a été le déclic avec Mosquito. Et suite à ce prix, puisque ce prix, généralement, est organisé notamment par la maison d'édition Au Diable Vauvert, puisqu'elle publie à chaque fois, chaque année, un recueil avec les meilleures nouvelles. Et suite à ça, Jean-Paul a eu le droit d'éditer un premier roman chez cette maison d'édition dans le Gard, hein, Au Diable Vauvert. Et c'était un coup de maître pour lui, puisqu'en 2014, il a fait paraître le liseur du 6h27. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Non. Bah, ça a été, c'est un livre que je vous conseille, hein, également, puisqu'il a eu un gros carton pour coup d'essai, coup de maître, hein, pour Jean-Paul Didier Laurent, puisque, alors maintenant les chiffres, je ne les ai plus exactement en tête, quand il était venu au mois de mars, il les avait dit, ça évolue chaque année, il y a quelques années, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, hein, maintenant on est bien au-delà, mais il était à 65 000 en format broché, comme on dit, et 200 000 en format de poche, parce qu'après il est sorti en format de poche. Et surtout, il a été traduit en plein de langues différentes dans différents pays. Je crois que là, il doit être plus d'une cinquantaine de pays de traductions différentes. Donc, gros succès. Et l'année d'après, donc c'était en 2014, et l'année d'après, pour faire patienter, en attendant la sortie de son deuxième livre, il a fait paraître un recueil de ses nouvelles, toutes ces nouvelles qui avaient été primées, qui s'appelle Macadam. Et puis, en 2016, deuxième bouquin, Le reste de leur vie. Et on en arrive, 2 ans après, à ce livre, donc La fissure. C'était en début de cette année. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est le parcours, quoi. C'est que quelqu'un qui avait ces métiers que j'ai cités, et puis qui, d'un coup, va prendre la lumière et devient écrivain. Il l'était en lui, mais il n'avait pas concrétisé. Et de pouvoir avoir un tel succès. Et pour juste revenir sur le liseur du 6h27, il a aussi eu la sortie en version audio. Et elle a été donc elle est lue, hein, vous pouvez écouter par un acteur qui est très connu, hein, Dominique Pinon, l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet, que vous pouvez voir dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet. Et donc c'est Dominique Pinon qui lit le livre de Jean-Paul Didier Laurent dans la version audio du liseur du 6h27. Concernant La fissure, alors je vais pas trop vous en parler, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début, puisque je ne voudrais pas vous dévoiler trop de choses. Ce que je peux en dire, c'est que déjà, il se passe beaucoup, comme à chaque fois avec Jean-Paul, mais il y a du mouvement, et notamment, on est très surpris. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je lis, je suis souvent dans l'anticipation. C'est-à-dire que je me demande ce qu'il va se passer, souvent j'imagine ce qu'il va se passer, et parfois je tombe juste. Eh ben avec le livre de Jean-Paul, La fissure, c'est impossible. Alors là, je vous mets au défi de réussir à deviner ce qu'il va se trouver au fil des pages, puisque c'est surprenant. Alors moi, ce que je propose, c'est de vous lire le préambule du livre, puisque avant le premier chapitre, il y a ce préambule. Et donc on retrouve ensuite en toute fin, ça boucle la boucle, hein, on en revient au moment du préambule. Et pour l'anecdote, Jean-Paul avait dit qu'au départ, son éditrice ne souhaitait pas trop qu'il y ait ce préambule. Et moi, ayant lu le livre, pour moi il était essentiel. Donc je vous le lis, c'est très court. Depuis près d'une heure, le tatoueur répétait les mêmes gestes avec la précision d'un métronome. Tremper le peigne dans l'encre noire, appliquer les dents sur l'avant-bras de l'homme, frapper à l'aide du bâton une série de coups secs, bois contre ivoire, de manière à faire pénétrer le liquide d'ombre sous la peau claire. À intervalles réguliers, l'assistant tamponnait l'épiderme avec son chiffon. Sang et encre mêlés constellaient l'étoffe de taches sombres. Allongé, torse nu sur la natte, l'homme suait à grosses gouttes. Le feu invisible dévorait son bras, le consumait au cœur de l'os. Malgré la douleur, il trouva la force de sourire à la jeune femme agenouillée à sa gauche. Elle lui rendit son sourire et saisit sa main. Pendant un court moment, sa paume aspira les morsures du peigne. L'homme releva la tête et contempla l'avancée du tatouage. Un premier entrelac de lignes sombres serpentait sur sa peau du coude au biceps. Il lui semblait que les souvenirs s'estompaient alors que le dessin prenait forme. Il ferma les yeux. Les dernières images de sa vie d'avant s'échappaient sans qu'il cherche à les retenir. On parle de vie d'avant puisque c'est aussi une quête. La fissure, le postulat de départ, c'est Xavier Bartou qui est un commercial pour une entreprise de nains de jardin et qui a un petit plaisir. Bon, il est marié depuis déjà quelques décennies à un grand-fils qui est en fac. Et le plaisir, c'est de se retrouver dans sa résidence secondaire. L'été, d'ailleurs, ça va bien avec le thème de ton émission, nous, un coup de cœur estivaux. Le départ, le premier chapitre, ça se passe l'été, la résidence secondaire, tout se passe bien jusqu'à que Xavier Bartou voit sur le mur, la façade de sa résidence secondaire, une petite fissure. Et de cette fissure va découler toute l'histoire, c'est-à-dire que c'est aussi une métaphore, la fissure, c'est aussi celle qu'il a en lui, et il va partir on va dire, à sa recherche, en tout cas la quête, l'origine de ces fissures, que ce soit celle de sa résidence secondaire ou la sienne. Elles sont liées, vous le verrez, je vous conseille ce livre, La fissure, de Jean-Paul Didier Laurent, aux éditions du Diable Vauvert. Eh bien, on a hâte de le lire. Tu me le prêteras, Mika ? Je sais pas. Oh. Est-ce que ça se prête, les coups de cœur ? Est-ce qu'on n'a pas envie de les garder tout contre nous ? Mais oui, bien sûr que ça se prête. On a envie de partager ce qui nous plaît. Bah, c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour partager un petit peu nos coups de cœur. Même en plein été, après tout, et en été, ça crame un peu. Là, on se croirait un petit peu en enfer. D'ailleurs, c'est le titre de la pause musicale suivante, Highway to Hell. Soit dit en passant, n'hésitez pas à bien vous hydrater. C'est important. On va prendre, en attendant, pour quelques minutes, L'autoroute de l'enfer, interprétée par ACDC. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, puisque j'ai choisi ce titre parce que ceux qui liront le livre, ou vous qui l'avez déjà lu, vous comprendrez pourquoi c'est un clin d'œil au contenu du livre. Ah, on a hâte d'en savoir plus. Alors, on se retrouve juste après Highway to Hell sur Radio Guémozo. Check out all my day and my Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. À l'instant, vous avez écouté Highway to Hell, interprété par AC/DC. Vous le savez, bien entendu. D'ailleurs, tant qu'à faire, hein, ça colle bien au thème. Tu le disais, c'est un clin d'œil pour le bouquin. Mais ça colle aussi avec aujourd'hui, hein, il fait très très chaud. Donc, je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à bien vous hydrater, à boire beaucoup d'eau. C'est important. Et on est toujours avec Cassandra et Mika dans cette édition de L'Heure des Loups pour partager nos coups de cœur culturels, hein, en lecture. Oh là là, je vois le temps qui file. Donc, il me semble, Cassandra, tu as amené un autre bouquin et moi j'en ai encore d'autres à parler, mais je vais pas parler de tous. Alors, qui commence ? Tu veux prendre la parole ? Je m'en fiche. Tu peux parler si tu veux. Moi, je pourrais parler sans m'arrêter, c'est pas grave. Et ce dont je parlerai pas, enfin, j'en parlerai une autre fois, c'est pas grave. Alors, c'est un. Donc, j'ai parlé d'un livre d'une Marie R. Qui a été écrit par Annick Pellerin. Donc le livre s'appelle « Ils ont volé mon enfance », il est paru en 2013. Donc pour résumer l'histoire, Marie est née alors que sa mère était une prostituée. Donc lors de son récit, elle a 7 ans. Donc elle explique sa vie lorsqu'elle a 7 ans. Donc elle subit énormément d'humiliation et par son beau-père, elle se fait frapper. Sauf que ça va beaucoup plus loin. Elle subit par la suite des viols et des attouchements à répétition sous les yeux de sa mère, par son beau-père. Et son beau-père la menace sans arrêt, donc si elle ose parler à l'école ou à quelqu'un, il la menace. Donc elle subit une énorme pression morale, elle n'ose pas en parler et elle ne comprend toujours pas pourquoi elle subit ça alors que son frère a été placé. Et tout se passe sous les yeux de sa maman et je n'en dirai pas plus. C'est encore un livre coup de cœur que tu nous amènes, un autre témoignage d'ailleurs dans les deux cas. Ouais, c'est un témoignage. C'est dans les deux cas des enfances qui ont été brisées. C'est ça. Il me semble que l'enfance, c'est quelque chose d'important pour toi, non ? Bah, je pense que ça nous aide énormément à nous construire par la suite, bien sûr. Donc je pense que ces enfants qui ont subi ce type de choses ont grandi malheureusement trop vite, ont compris malheureusement aussi trop vite la vie. Et je pense que c'est un souvenir qu'elle gardera à vie, quoi. Oui, ça va laisser des cicatrices, hein, comme sur le corps, c'est une blessure. Et même si on ne les voit pas, elles sont là. C'est un livre que tu as découvert quand ? Je dirais vers mes 14-15 ans, c'est ma mère qui m'a acheté ce livre et j'ai commencé à mettre le nez dedans et j'ai pas pu m'arrêter. Oui. Ça m'a touchée aussi, c'est une histoire très touchante, très bouleversante, il y a beaucoup de rebondissements et voilà. Des rebondissements, mais on rappelle encore une fois que c'est un témoignage. Mika, tu veux prendre la parole ? On est encore dans le témoignage. C'est beau. C'est ce que tu aimes, c'est ce que tu lis les. Bah, il faut croire que oui. De témoignages. Parce que je lis pas énormément de livres et les seuls que j'ai ramenés, ouais, c'est ça, c'est du témoignage, ouais. Ça me plaît parce que c'est du vrai, du pur, quoi. Oui, c'est authentique. C'est ça. Je pense que c'est ça les histoires des personnes qui, je pense, qu'ils les ont écrits avec leur cœur et leur trip, quoi. Ouais. Oui, ça se comprend. Et oui, donc celui-là aussi, bon, on peut peut-être pas. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais c'est vrai que c'est délicat de rentrer dans des détails comme ça, parce que ça, c'est comment dire, c'est un livre qui traite d'inceste, un livre qui traite de maltraitance, de pédophilie, de non-assistance aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais malgré tout, il faut. Enfin, c'est pas qu'il faut passer par là, non, on souhaite à personne, mais de prendre conscience en fait de ces horreurs pour ne pas réagir. Hein. J'en ai lu aussi des. Je sais pas si j'en ai lu beaucoup, mais je me souviens d'un livre que j'ai lu qui s'appelle J'avais 12 ans. Aussi une histoire d'inceste avec un père violent qui commençait à abuser sa fille quand elle avait 12 ans, qui plus tard a essayé sur son autre fille, mais elle avait 14 ans, donc elle avait une un peu plus grande gueule, des choses comme ça. Le temps qu'elle a mis pour s'en remettre, pour se reconstruire, et le temps aussi que ça a duré, enfin voilà, aussi dire que c'est quelque chose de très grave, hein, ça laisse vraiment des cicatrices à vie. Et il faut le dire, c'est aussi... ça peut avoir un énorme impact sur la vie sexuelle d'une personne, hein, il faut le dire. Je pense que c'est un traumatisme. C'est un grave traumatisme. Donc oui, comme on le disait, ça laisse de graves cicatrices, des impacts, peut-être même à vie, ça demande une grosse reconstruction. Et là, en fait, dans ce livre, tu as juste le témoignage ou tu as la reconstruction aussi après ? Je ne me souviens plus vraiment de la fin, mais je sais qu'elle veut partir, qu'elle fait des appels de phare à toutes les personnes qui l'entourent et que personne ne vient à son secours, quoi. Ouais, donc sensibiliser aussi peut-être au lecteur d'être ouais. réceptif aux appels à l'aide pour aider des personnes qui peuvent pas s'en sortir toute seule, hein. c'est des situations difficiles. C'est très délicat car c'est sa famille qui abuse d'elle et normalement on est censé être aidé par notre famille, donc ouais. C'est très très compliqué, oui. Puis vu qu'elle se fait menacer sans arrêt, il y a une phrase sur le livre, si tu oses parler de ce que nous faisons ensemble, je te tue. Donc ah ouais, ça mérite d'être clair. C'est assez clair, assez dur. Et non, vous ne rêvez pas, c'est un témoignage, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment vécu ça. Ça peut arriver à tout le monde, hein, donc il faut vraiment être, je pense, vigilant de faire en sorte de protéger les personnes qui en sont victimes, parce qu'il faut rappeler aussi les personnes à qui ça arrive ne le demandent pas, elles n'ont rien fait pour que ça arrive, c'est important de le rappeler. Bon, tu me prends un peu au dépourvu parce que j'ai pas de numéro vert à transmettre, mais on en trouvera peut-être un à donner. D'ailleurs, je suis en train de le noter sur mes notes pour les victimes de violences, parce que c'est mieux quand je dis la même chose que j'écris. Voilà, parce qu'il y a deux façons de réagir après pour une personne. On a eu de nombreux témoignages avec des psychopathes qui ont vécu de grandes, de grands témoignages étant petits, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont reproduits, ou d'autres personnes qui ont subi des traumatismes et qui se sont reconstruits. D'ailleurs, la pause musicale suivante, c'est un petit peu ça, c'est une personne qui subit des violences, qui finit par sombrer encore plus profondément. C'est un gros coup de cœur pour moi aussi, je pense que les auditeurs sont au courant. Mika, quel est un de mes artistes préférés sur la scène électro ? Brut Carpenter ? Ouais, Carpenter Brut pour son nouvel album Laser Tiss. Bon, c'est pas grave, hein, tu l'as compris. Et le morceau que je vais passer, bon là par contre, accrochez-vous à vos sièges, ça va swinguer encore plus. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour les personnes qui nous écoutent à presque 8h du matin. Donc, c'est le morceau intitulé Laser Tiss de l'album Laser Tiss qui est sorti cette année, au mois de février, de Carpenter Brut. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. We'll be right back. de retour sur Radio Guémouzo 107FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Lazertis de l'artiste Carpenter Brut, qui est d'ailleurs, je viens de l'apprendre, qui sera en France le vendredi 19 octobre à Célesta pour le Rock Your Brain Fest. Bon, je pense que vous saurez où je serai le 19 octobre. Hein. Donc, c'est Carpenter Brut. D'ailleurs, merci beaucoup, Nika, pour l'info. Artiste de la scène électro dont je suis ultra fan. On va pas trop s'étendre parce que sinon je peux encore parler de lui pendant une heure. Mais c'est vrai qu'on a parlé de thèmes un petit peu difficiles juste avant la pause musicale. Et la pause musicale qu'on a écoutée, elle est un petit peu... voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus. Donc je pense qu'on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Cassandra, tu voulais dire quelque chose ? Peut-être donner la référence du livre ? Ah oui ! Alors, bah déjà le titre et puis l'auteur. Donc l'auteur c'est Marie R, mais il faut savoir que le livre a été écrit par Annick Pellerin. Donc en fait elle a pris son témoignage et elle l'a écrit. Et le titre du livre, Ils ont volé mon enfance. Et la photo de couverture c'est une petite fille derrière une vitre avec sa main collée contre et des gouttes d'eau. Ouais, donc sur le visuel du bouquin qui en impose tout de suite, hein, on voit déjà assez vite de quoi il va s'agir, un témoignage assez difficile. Mais merci Mika d'avoir demandé de rappeler, parce qu'après tout dans cette émission on a parlé de pas mal de choses, on a parlé d'Amélie Nothomb en général, surtout sur trois bouquins que j'ai découverts, La fissure de Jean-Paul Didier Laurent, La guêpe, mais j'ai oublié de quel auteur, tu peux me le Charlotte, rappeler Charlotte Goldberg. Charlotte Goldberg, et enfin Ils ont volé mon enfance de Marie R. Et on va terminer avec un autre bouquin. Bon, j'avais envie de parler un petit peu de nazisme, mais bon, je pense qu'on en a peut-être fait un petit peu le tour de thèmes un petit peu difficiles. Donc je vais vous parler assez brièvement de même ma première lecture de l'été, celle qui m'a repropulsée dans mes périodes rats de bibliothèque. C'est le livre La symphonie pastorale d'André Gide, que j'ai découvert, je crois, quand j'étais au brevet, c'était une dictée, et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que je peux le trouver quelque part pour le lire, et il s'avérait que je l'avais chez moi, et je l'ai lu une première fois, et bon ben ça doit faire 10 ans que j'ai passé mon brevet. Voilà, bonjour monsieur coup de vieux, vous pouvez entrer. Et je l'ai relu récemment parce que j'ai eu envie de le relire. Je crois que j'ai accueilli une bergère, et on a parlé de monde pastoral, et après ça fait ting dans ma tête, la symphonie pastorale. Et j'ai bien fait de le relire, parce que entre l'époque où je l'ai lu et où je comprenais pas grand chose, et maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé, mon regard d'adulte aussi qui s'est beaucoup figé. Mais pour ceux qui veulent connaître le pitch de base avant qu'on se dise au revoir, comme ça c'est une dernière lecture que je vous propose. En fait, c'est un pasteur qui va au chevet d'une vieille dame qui est morte. Hein. Forcément, il vient lui donner les derniers sacrements, entre guillemets, mais je ne suis pas sûre que ça porte ce nom chez les protestants, parce qu'il est, bah, s'il est pasteur, il est protestant. Et en fait, la seule famille de cette femme, c'était une aveugle. Mais comme la dame en question était sourde, elle ne lui a jamais parlé. Donc, cette pauvre jeune fille était complètement à l'état sauvage. Le pasteur l'a recueillie chez elle et tout doucement lui a donné une éducation, il l'a accueillie dans sa famille. Sauf que au-delà de ça, cette jeune fille qui devient peu à peu une fleur qui s'épanouit, finit aussi par trouver sa place dans le cœur du pasteur. Et bon, je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là, encore qu'il y a une histoire de triangle amoureux pour ceux qui ont envie de savoir, mais c'est aussi l'approche en fait de la cécité chez cette jeune femme, parce que c'est vrai que le pasteur, bah, la cécité, il connaît pas, hein, il parle de certaines choses, il donne des couleurs. Je pense que tout le monde sait que ben, les personnes qui sont dénuées de la vue ne connaissent pas ou n'approchent pas les couleurs, ou du moins certainement pas comme nous. Et il l'a emmené à un concert intitulé La Symphonie Pastorale. Il a essayé de lui faire un parallèle en fait entre la musique, les différents instruments et des teintes chromatiques. D'ailleurs, je me rends compte que j'aime bien les parallèles avec les couleurs. C'est pareil avec Barbe Bleue. Et il a essayé de lui faire comprendre les couleurs à travers la musique. Elle finira d'ailleurs par subir une opération pour recouvrir la vue. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est un très très beau roman, assez court aussi, je l'ai lu en un après-midi, sur tout doucement l'approche d'une jeune aveugle dans le monde des couleurs, dans le monde de la vision. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et je l'ai aussi lu avec mon regard d'adulte, donc j'ai aussi vu les rapports entre les personnages d'un autre œil et je les ai compris différemment. Enfin voilà, je les ai beaucoup aimés. Est-ce que l'un de vous connaissait déjà André Gide de nom? Non. Oui, de nom. Ouais, t'en as lu, Mika? Non. Et Mathieu Devray? Donc c'est André et eux. C'est une dame. Ah, c'est une dame. Ah non, je dis peut-être une bêtise. Non. Ah, bah tiens, d'ailleurs, il a fait la préface de Vol de nuit de Saint-Exupéry, donc vérifier. Je comprends tout, oui. Alors, non, il n'y a pas de E à André Gide, tu peux pas le voir de là, mais moi j'ai la préface en main, à moins que tu aies une meilleure vue que moi, quoique ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est la symphonie pastorale d'André Gide. Bon, c'est des vieux bouquins. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais qu'est-ce que j'aime les vieux bouquins avec leur, déjà le bruit qu'ils font. Hein. Je sais pas si les auditeurs entendent un petit peu le bruit des pages que je passe au micro. J'aime bien la texture aussi qui est pas régulière et l'odeur des vieux livres. L'odeur est géniale. Ah, l'odeur des vieux livres, pour moi, ça n'a pas vécu, pris. Hein, c'est vrai que c'est toujours sympa. Bah, maintenant, toutes les boîtes à livres qu'il y a un peu partout. C'est toujours pareil. Dans les villes, c'est vrai que de se dire que le livre a déjà vécu, c'est vrai que c'est autre chose que quand on va acheter le livre chez le libraire. Mais bien sûr, faut soutenir le libraire, faut acheter des livres neufs. Mais c'est vrai que qu'il a déjà eu une vie, ça rajoute quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, j'en ai pris conscience cet été. Une des raisons pour lesquelles je préfère les livres physiques aux livres électroniques. Bon, même si j'en ai mis sur mon téléphone, parce que sinon, je connais quelqu'un qui va hurler sur ma bibliothèque, qui va prendre un petit peu de place. Mais c'est vrai que ça n'a pas de prix, déjà rien que le toucher d'un livre, ça aussi on peut en parler, l'histoire qu'ils ont, le fait qu'on se dit qu'il y a une autre personne qui les a lus, qu'on les a déjà lus avec un autre regard, qu'on les a approchés, touchés différemment. Voilà quoi, je sais pas ce qu'il en est pour vous de l'approche du livre, c'est dommage, on n'a pas beaucoup le temps de s'étendre là-dessus, mais je pense qu'on peut donner un dernier mot en fait pour clôturer, parce qu'après tout on a tous parlé de littérature, donc là ce qui nous a rejoint ce soir c'est le livre. Toi Cassandra, tu as une approche particulière par rapport au livre? Déjà la première image, je la trouve assez importante. Ouais. Et le résumé. Et là, je sais si je tilte ou pas. Et ensuite, La Guêpe, ce livre a un toucher assez spécial, un peu granuleux. Ouais. Et moi, j'ai apprécié ce côté sur le livre. Les pages sont assez. Assez fine, mais il y a quelque chose, je pourrais pas m'exprimer. Oui, mais d'ailleurs, il me semble que je connais cette maison d'édition qui a aussi un format et un toucher en particulier. C'est vrai que ça aussi, j'aime bien des livres pas tout lisses, hein, qui ont leur particularité à eux, avec leur grain. Bon, après, les livres que j'ai, donc Vol de nuit et La Symphonie pastorale, bon, déjà, ils sont à ma maman, faut préciser, mais c'est des vieux livres qui ont été offerts par une station-service. C'est vrai que j'ai pas le droit de dire le nom, j'ai failli gaffer. Ça me manque un petit peu cette époque où on donnait des livres. Si, on m'a offert un livre, mais il est trop lisse. Donc, ce livre, alors... c'est vrai, Vol de nuit a été publié en 1931, mais je sais pas quand il a été édité celui-là. C'est dommage, ça, j'aime bien aussi m'amuser à lire les préfaces pour savoir de quand ça date. Mais bon, et toi, Mika, quelle est ton approche du bouquin? Juste avant de te répondre, dire que tout à l'heure, j'ai confondu avec André Chédide, ça n'a rien à voir. Donc André Chédide, qui est la grand-mère d'un artiste que vous connaissez sous le pseudo M, mais qui est Mathieu Chédide, et qui est le fils de Louis Chédide. Donc Louis était lui le fils d'André Chédide, grande aussi auteur. Moi, il y a un aspect aussi très, c'est très charnel. Hein, c'est vrai, ce côté physique, comme vous l'avez bien exprimé, je trouve que c'est important. Et puis, comme le disait Cassandra, le visuel aussi, puisque ça a beau être de la lecture, mais le peu de visuel qu'il y a, et notamment la couverture, est essentiel, je trouve. Tout comme l'est, je vous le montre, hein, les filles, la fissure de Jean-Paul Didier Laurent, on voit la fissure au milieu de la couverture. Ouais, on voit la fissure. Et puis il y a un petit relief. Ouais, c'est brillant. Sympa, sur les petites feuilles de vigne. Voilà, ça représente le mur de la résidence secondaire de Xavier Bartou, le personnage principal. Et c'est sur cette note qu'on va tout doucement devoir s'arrêter, vu qu'après tout, l'heure tourne, il y a une émission à venir dans quelques instants. Et avant qu'on se dise au revoir, c'est l'heure de faire très rapidement la programmation de la soirée. Donc à 19h, donc à partir de maintenant, c'est ce qu'il faut savoir avec Antoine. Puis à partir de 21h, c'est la rediffusion de Mosaïque avec François. Puis demain matin, 7h, 8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et comme demain, on sera jeudi, ce sera suivi de la chronique de Michel à 8h et enfin la matinale de Marion à 8h30 qui vous racontera le programme de la journée de jeudi. On se retrouvera demain 8h-19h de bonne humeur encore une fois pour faire la clôture des Nancyphonies avec Hugues Leclerc et comme c'est musique qui sera là. C'est moi, Mika. Oui, Mika sera là. Donc on se retrouve demain, Mika, de bonne humeur. On retrouve aussi les auditeurs de bonne humeur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Cassandra, Mika, pour votre contribution. C'était vraiment un moment très agréable à passer avec vous. Et je suis très contente aussi d'avoir partagé ces coups de cœur et d'en avoir appris aussi sur vous. Merci à toi Lou. Et je retiens pas beaucoup plus les auditeurs vu que j'ai une autre émission à faire dans quelques instants. Donc bonne soirée à tous et merci pour votre attention. À demain.